Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, premier paragraphe, troisième section, les dérèglements des sens. Les manichéens avancèrent une erreur intolérable, en disant qu'il y a des créatures mauvaises en elles-mêmes, au nombre desquels ils mettaient le vin dont ils avaient soin de s'abstenir. Non, cela n'est pas, tout ce que Dieu a produit est bon, Dieu considéra toutes les choses qu'il avait créées, et elles étaient fort bonnes. L'usage qu'on en fait est bon aussi, pourvu qu'il soit légitime, et qu'on ne dépasse pas les bornes, si quelqu'un en abuse, elles lui seront certainement nuisibles, mais ce sera par sa faute. Parmi les choses dont l'homme abuse le plus facilement, il faut compter la boisson, il n'y a pas de doute. Les serviteurs de Marie doivent se prémunir avec soin contre cet abus, qu'ils écoutent par conséquent les conseils que leur donne cette mère prévoyante. Écoutez-moi, mon fils, et soyez sage. Proverbe 23, 19. Faites que votre âme marche dans la bonne voie. Ne cherchez point à vous trouver dans les festins de ceux qui aiment à boire, car tandis qu'ils sont occupés à s'enivrer, ils se trouvent ruinés. À qui criera-t-on « Malheur » Au père de qui dira-t-on « Malheur » Pour qui seront les querelles? Pour qui les précipices? Pour qui les blessures? À qui les yeux seront-ils arrachés? Tout cela ne sera-t-il pas pour ceux qui passent le temps à boire du vin, et qui se font gloire de vider les coupes? Ne regardez donc point le vin lorsque sa couleur brille dans le verre, il cause du plaisir en entrant, mais il mordra à la fin comme un serpent, et il répandra son venin comme un basilic. Vos yeux s'arrêteront à considérer la femme étrangère, c'est-à-dire celle qui ne vous appartient pas, et votre cœur dira des paroles déréglées. Vous serez comme un homme endormi au milieu de la mer, quand le pilote est lui-même assoupi, et qu'il a perdu le gouvernail, et vous direz ils m'ont battu, et je ne l'ai point senti, ils m'ont entraîné, et je ne m'en suis point aperçu. Quand me réveillerai-je et quand trouverai-je de nouveau du vin à boire? Le vin est une source d'intempérance, Proverbe 20:1, et l'ivrognerie est pleine de désordre, quiconque y met son plaisir ne deviendra point sage. Un peu de vin n'est-il pas bien suffisant pour un homme réglé? Ecclésiastique 31:22. Écoutez-moi donc, mon fils, ne me méprisez point, et vous reconnaîtrez à la fin la vérité de mes paroles. N'excitez point à boire ceux qui aiment le vin, car le vin en a exterminé plusieurs. Comme le feu éprouve la dureté du fer, et le consume, ainsi le vin châtie les cœurs des superbes. Le vin pris avec tempérance est une seconde vie, si vous en prenez modérément, vous serez sobre, mais qu'est-ce que la vie d'un homme qui se labrèche pour le vin? Dieu a créé le vin dès le commencement pour être la joie de l'homme, et non pour l'enivrer. Le vin pris sans excès est la joie de l'âme et du cœur, il procure la santé à l'esprit et au corps, mais si on le prend sans mesure, il irrite, il réveille la colère, et attire de grandes ruines. Le vin pris en abondance est l'amertume de l'âme. Il semble qu'elle ne se lasse pas de redire les mêmes choses, parce qu'on ne saurait jamais assez répéter ce qui n'est jamais assez compris. Que tout homme soit attentif à profiter de ses conseils, qu'il y soit attentif celui-là surtout qui désire être mis au nombre des véritables serviteurs et des enfants de Marie dont la vie fut un miroir de sobriété et de tempérance, et qui, comme dit saint Ambroise, semblerait avoir pratiqué la mortification avec excès, en n'accordant pas à son corps ce qui lui était indispensable. Qu'ils sont donc insensés et coupables ceux qui profitent des jours et des lieux où l'on honore particulièrement la Sainte Vierge, pour s'abandonner à toutes sortes d'excès. Et n'est-ce pas là ce qu'on voit avec douleur dans certains pèlerinages? Peut-on déshonorer d'une manière plus indigne les fêtes et les sanctuaires de Marie? Non, que l'on ne croit point lui rendre hommage par une pareille conduite, le démon seul y trouve son compte, lui qui n'a que trop souvent sujet de se réjouir dans nos solennités. Oui, pourrait-on dire, la joie a éclaté au milieu de vos solennités, la joie a éclaté, mais c'est parmi vos ennemis. Si les véritables serviteurs de Marie voulaient en croire mon conseil, et je pense que c'est celui que leur donnerait aussi la Sainte Vierge, où ils s'abstiendraient tout à fait de visiter ces lieux de dissipation plutôt que de dévotion, ou du moins ils ne s'y rendraient pas dans de semblables circonstances et au jour où se célèbre la fête. S'ils désirent satisfaire leur piété, en visitant un sanctuaire vénéré, ils pourront le faire dans un autre temps, sans s'exposer à tant de périls d'offenser Dieu et sa très sainte mère. J'ai lu que dans le monastère de Montvierge, où il était d'usage de célébrer une ancienne fête plutôt par des débauches que par les exercices d'une piété chrétienne, on vit une nuit la Sainte Vierge elle-même livrer l'habitation aux flammes, au moment où le peuple y était rassemblé en foule. Plusieurs centaines de personnes périrent en cette circonstance au milieu de l'incendie. Les dévots de Marie désirent-ils trouver leur mère en séjour, qu'ils aient soin de les passer dans de saintes méditations, et dans d'autres exercices de piété, s'éloignant du tumulte et des assemblées bruyantes, qu'ils s'appliquent à mortifier la chair et les passions. Voilà la vraie manière d'honorer Marie dans ces sortes d'occasions. Qu'ils aient soin, spécialement les jeunes gens, de fuir les personnes qui pourraient, de quelque manière que ce soit, les induire au péché, qu'ils fuient ces lieux où si souvent on outrage la majesté infinie de Dieu, et où par conséquent on offense aussi la très sainte Vierge, qu'ils fuient les théâtres, les festins, les bals, les réunions de gens oisifs et de libertins, de ceux qui appellent mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, Isaïe 5, 20. Qu'ils fuient la lecture des livres suspects, et beaucoup plus de ceux qui sont ouvertement mauvais, qu'ils fuient les maisons où n'habite pas la crainte de Dieu, qu'ils évitent les routes dangereuses le long des quais longtemps des pièges à la pudeur et à toutes les vertus. Qu'ils fuient en un mot, non seulement le péché, mais aussi les occasions du péché, s'ils veulent se montrer les dévots serviteurs de Marie, s'ils veulent prêter obéissance à leur mère, devoir auquel tout fils est indispensablement tenu à l'égard de ses parents. Quand ils s'offrent à eux quelque occasion de s'exposer au péril d'offenser Dieu, qu'ils disent « Non, je ne m'y exposerai pas, par amour pour Marie, ma tendre mère, pour lui épargner un déplaisir, pour lui rendre l'obéissance qui lui est due. Les méchants me railleront, ils se riront de ma retenue, et de ce qu'ils appelleront un manque de savoir-vivre, peu m'importe ce qu'ils peuvent dire de moi, ce n'est pas à eux que je veux plaire, mais à Dieu, mais à Marie, que Dieu soit satisfait de moi, que Marie soit contente, et je ne me soucie guère de ce qu'on pensera dans le monde. J'éprouverai quelques confusions passagères auprès des personnes insensées, mais après tout il sera toujours beau de n'être pas du goût de ceux auxquels Jésus-Christ ne plaît pas, auxquels Marie déplaît souverainement. Oh celui qui en agit de la sorte, celui-là, dis-je, a vraiment trouvé le moyen de captiver la tendresse de Marie. Oui, c'est ainsi qu'on ravit son cœur. C'est ainsi qu'on arrache de ses mains toutes les grâces qu'on peut raisonnablement désirer. Et pourrait-elle être avare envers ceux qui se montrent si généreux à son égard et par amour pour elle voudrait-elle se laisser vaincre en générosité? Ah non, jamais, n'en doutez point, au contraire elle vous dédommagera au centuple du peu de violence que vous vous serez fait pour surmonter une basse condescendance, un vil respect humain. Cette violence en fera une bien plus douce et plus forte sur le cœur de Dieu et sur le cœur de Marie. Elle attirera sur vous un torrent de bénédictions. Elle vous fera admirablement connaître que jamais il n'y a lieu de se repentir d'avoir renoncé à un plaisir fugitif pour l'amour de Marie. Et tandis que les infortunés esclaves des maximes et des usages du monde, après une courte et trompeuse satisfaction, sont en proie à des angoisses sans fin, pour vous, après vous être fait violence un instant, vous serez comme inondé de joie et de délices ineffables, avant-goût des félicités éternelles qui vous attendent dans le ciel. Mon cher lecteur, qu'avons-nous donc à faire, sinon de prendre au pied de Marie la résolution de fuir désormais courageusement, pour l'amour de Jésus et de Marie, non seulement le péché, mais de plus les occasions prochaines du péché, et même les occasions éloignées, autant qu'il nous sera permis de le faire? Cette détermination vous coûterait-elle trop? Ah, dans ce cas vous manifesteriez clairement que vous n'aimez pas beaucoup Marie, que vous n'êtes pas son enfant, puisque vous refuseriez de lui prêter l'obéissance dans une chose aussi raisonnable. Pouvez-vous vous dire enfant soumis et respectueux de Marie, tandis que vous prenez plaisir à pécher et à donner la mort à son divin fils Jésus, tandis que vous n'avez pas soin de quitter les occasions dans lesquelles vous avez peut-être déjà offensé Dieu mortellement, où vous êtes sûr tout au moins de l'offenser, si vous vous y exposez de nouveau? Écoutez-moi bien, ne vous rassurez pas en disant, « J'irai, mais je ne pécherai pas », c'est là une confiance tout à fait folle. Si vous y retournez, vous ferez ce que vous avez fait par le passé. Ne dites pas non plus, « Si j'y retourne, la Sainte Vierge m'aidera ». Marie aide bien ceux qui se trouvent dans des périls involontaires, mais pour ceux qui s'y exposent volontairement, je ne le crois pas. Avez-vous lu, que celui qui aime le péril, sera secouru de Marie? Point du tout, mais il est écrit qu'il y périra, Ecclésiastique 3, 27. Je lis bien, ceux qui auront pris la fuite seront sauvés, Ézéchiel 7, 16. Mais je ne trouve nulle part que ceux qui resteront seront également sauvés. Il faut donc une résolution, et une résolution généreuse. Certes, la Sainte Vierge mérite assez que par amour pour elle nous fassions quelque chose, que nous nous imposions quelque sacrifice. Et que ferons-nous, si nous lui refusons celui-ci? Ah, comme nous perdons le temps, y a-t-il lieu à délibérer s'il faut renoncer au péché et à l'occasion du péché? S'arrêter à ce doute, n'est-ce pas faire injure à notre Dieu, et à Marie, notre mère? Laissons donc les raisonnements et venons-en aux résolutions. Ô ma tendre mère, Marie, me voici prosternée à vos pieds, avec la volonté de faire preuve d'obéissance filiale, vous m'ordonnez de fuir le péché et les occasions du péché, rien de plus juste que ce commandement. Je ne puis en aucune manière résister à vos maternelles invitations, sans cesser d'être enfant de Dieu et votre enfant, mais non, je ne renoncerai ni à l'un ni à l'autre de ces titres, ils sont trop chers à mon cœur. Je suis à Dieu, je suis à vous, ô Marie, je ne suis ni au monde, ni au démon. Je suis tout à vous, ce n'est donc ni au monde ni au démon que je dois obéir. C'est à vous que je veux me soumettre. Maintenant que le monde et l'enfer tout entier crient contre moi, je m'inquiète peu ou plutôt je ne m'inquiète nullement de leur clameur. Il me suffit d'être enfant de Dieu, d'être enfant de Marie, il me suffit de contenter Dieu et Marie, ma mère. Que le monde dise de moi ce qu'il veut, qu'il se moque de moi, qu'il tourne mes actions en ridicule, que m'importe, un temps viendra où les charmes disparaîtront. Dès ce moment je veux avec courage fouler aux pieds tout respect humain, et me déclarer disciple de Jésus et de Marie. Ô Marie, je crains une chose, je sais qu'elle est ma faiblesse et mon inconstance, qui m'assure que demain je ne me repentirai pas des promesses que je viens de faire, que je ne renoncerai pas à mon Dieu et à vous, poursuivre mes ennemis et les vôtres que de fois j'ai promis, mais que de fois aussi j'ai manqué à mes promesses. À de grâce, fortifiez ma faiblesse, affermissez ma volonté, je me confie en votre toute-puissante protection, je me repose avec les résolutions que je viens de prendre sur votre bras maternel, songez de votre côté à m'obtenir du Seigneur la grâce de les exécuter, comme vous m'avez obtenu celle de les former. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.